إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous en sommes donc au cours numéro 36 des explications des أربعين النووية concernant le hadith numéro 3. Et donc nous étions arrêtés sur les explications de Cheikh Salah Al Cheikh Hafizahullah Ta'ala concernant celui qui délaisse le jugement de celui qui délaisse la prière est considéré par la majorité des gens de la Sunna comme étant un mécréant, ayant une mécréance majeure. Et nous avons également vu que à partir du moment où le musulman a les deux premiers piliers de l'islam, donc on le nomme comme musulman, c'est-à-dire il a les deux attestations de foi et il fait ses cinq prières obligatoires, il est alors considéré comme un musulman. Tandis que celui qui a ses deux premiers piliers de l'islam, mais qui aurait délaissé sans renier l'obligation de ces piliers, sans avoir renié l'obligation des piliers de l'islam, donc il a délaissé donc les trois derniers piliers par paresse, sans en renier leur obligation, et bien celui-ci donc est considéré comme un musulman tant qu'il a les deux premiers piliers de l'islam. Puisqu'on avait vu l'explication de Cheikh Salah et Cheikh Hafidhahullah mentionnant ce que signifiait le pilier linguistiquement. Et nous avons également vu dans ce cours 35 que, contrairement à ce qui est connu linguistiquement, par exemple, lorsqu'on dit les piliers du mariage ou les piliers d'une vente, d'accord, on ne peut imaginer qu'il y a une vente sans un vendeur et sans un acheteur. D'accord ? Et donc, cependant, il a mentionné que concernant l'islam, à partir du moment où il y a les deux premiers piliers, et que le musulman, donc il est considéré comme musulman, même s'il délaisse par paresse, sans renier l'obligation, bien sûr, des trois derniers piliers. D'accord ? Mais ce genre d'individu qui est considéré musulman à partir du moment où il a les deux attestations de foi et qu'il fait ses cinq prières obligatoires, mais qui délaisse par paresse les trois derniers piliers, il est sous une menace d'entrer en enfer. Donc s'il meurt sur cela sans repentance, il tombe sous la volonté d'Allah. Si Allah veut le châtier de par sa justice, il le mettra en enfer pendant une période de temps que seul Allah Azza wa Jal sait. Et tant qu'il était un pur monothéiste, il sortira de l'enfer pour entrer au paradis par la suite. Et si Allah veut, il lui pardonne de par sa miséricorde. Nous avons également vu qu'il y avait une minorité parmi les gens de science, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceux qui les ont suivis, qui voyaient que quiconque délaisse ne serait-ce un pilier de l'islam est considéré comme un mécréant. Donc on continue avec les explications de Cheikh Salah Al Cheikh Hafidhahullah sur ce hadith 3 et sur ce point-là. Fa Omar radiyallahu anhu zahir qawlu. Donc il dit Omar radiyallahu anhu, donc sa parole apparente est أن ترك الحج مع القدرة عليه ووجود الاستطاعة المالية والبدنية أنه كفر. Donc selon Omar radiyallahu anhu, et que celui qui délaisse le hajj malgré qu'il a la possibilité de le faire Il a la possibilité de le faire. Et il en a les moyens financiers et corporels, ça veut dire qu'il a la santé pour pouvoir également le faire. Mais malgré tout cela, et qu'il a la possibilité de le faire, il le délaisse, et eh bien il le considère comme étant un mécréant. حيث قال لعماله في الأمصار أن يكتب له من وجد ساعة من المسلمين ثم لم يحج أن تضرب عليهم الجزية قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. Car Omar radiallahu anhu a demandé donc à ceux qui étaient responsables, qui travaillent yani, et qui ont la responsabilité d'autres musulmans sous eux, eh bien, quiconque a les moyens et qu'il ne fait pas le hajj, eh bien, celui-ci devra payer la jizya. La jizya, c'est ce que les mécréants paient. La jizya, c'est ce que les mécréants paient. C'est cet impôt qui est prélevé des mécréants dans le cas où ils ont refusé d'accepter l'islam. Donc ils continuent à vivre au sein des musulmans, mais ils se doivent de payer cette jizya-là. Donc pour ceux qui ont les moyens de faire le hajj, mais qui l'ont délaissé, Omar radiallahu anhu a ordonné à ce que ces individus-là se mettent à payer la jizya, puis il a dit, ils ne sont pas des musulmans. وكفر أيضا بعض الصحابة كابن مسعود من ترك الزكاة تهاونا وكسلا. Et il y a aussi certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rendu mécréant quiconque délaisse la zakat par paresse. وهذا خلاف ما عليه الجمهور. Et ça c'est à l'opposé de ce qu'est la majorité des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il dit جمهور الصحابة ومن بعدهم في أن من تركها بلا امتناع وإنما ترك الزكاة أو ترك الصيام أو ترك الحج تهاونا منه أنه لا يكفر. Donc cette parole-là d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, Ibn Mas'ud radiallahu anhu considérait que celui qui délaissait la zakat par paresse, eh bien, était un mécréant. Et cela est à l'opposé de ce sur quoi était la majorité des compagnons concernant, et ceux qui les ont suivis, concernant le fait que quiconque a délaissé sans gêne, sans aucune chose qui l'en empêche, sans empêchement, yani, ils ont délaissé la zakat, ou bien ils ont délaissé le siyam, le jeûne, ou ils ont délaissé le pèlerinage, par paresse, eh bien, par paresse de sa part, eh bien, il ne devient pas mécréant. ومنهم من قال بكفره يعني على عكس مسألة الصلاة. Et donc il y en a d'autres qui ont dit que eh bien non, eh bien ce sont des mécréants quiconque délaisse cela par paresse. فنقول, alors nous disons, إذن مسألة الصلاة الجمهور جمهور أهل السنة على تكفير من تركها تهاونا وكسلا. Il dit le Cheikh Saleh Al Sheikh حفظه الله, il dit, alors nous disons que la question concernant la prière chez la majorité des gens de la sunna sont d'avis que celui qui délaisse la prière est un mécréant. Celui qui délaisse la prière par paresse est un mécréant. وهناك من أهل السنة من لم يكفر من تركها تهاونا وكسلا وبقية الثلاث الأركان العملية جمهور أهل السنة على أنه لا يكفر وهناك من كفره. Donc, là il résume, hein, il dit, et donc il y a aussi parmi des gens de la sunna qui considère que, donc ça c'est une minorité, qui considère qu'il ne devient pas mécréant s'il délaisse la prière par paresse. Et le reste des trois derniers piliers, la majorité des gens de la sunna considère qu'il ne devient pas mécréant s'il délaisse les trois derniers piliers tout en ayant les deux premiers comme nous l'avons mentionné au début de ce cours. Et il y a d'autres qui considèrent, comme nous l'avons vu, qu'il suffit qu'un seul pilier est délaissé pour que l'individu qui délaisse un seul pilier de l'islam est considéré comme un mécréant. هذه الأركان منقسمة إلى ثلاثة أقسام وخصت بالذكر لعظم مقامها في هذه الشريعة وعظم آثارها على العبد. فالشهادتان نصيب القلب والإيمان فبهما يتحقق الإيمان الذي هو أصل الاعتقاد والعمل. Donc il dit ici, le Cheikh Sarah et le Cheikh Hafidhullah, il dit, eh bien, ces piliers-là sont divisés en trois catégories. Ces piliers-là, les cinq piliers de l'islam, sont divisés en trois catégories. Il dit, et donc elles ont été spécifiées, donc elles ont été spécifiées de par leur importance dans la législation d'Allah Azza wa Jalla. Il dit, les deux attestations de foi, eh bien, cela réfère au cœur et à la foi. فَبِهِمَا يَتْحَقَّقَ الْإِيمَانَ الَّذِي هُوَ أَصْلِ الْإِعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ. C'est de par ces deux attestations de foi que se concrétise la foi qui est le fondement de la croyance et des œuvres. والصلاه عباده بدنيه محضه. Tandis que la prière est une adoration corporelle, est une adoration corporelle, donc qui fait appel, qui est spécifique donc au corps. والزكاه عباده ماليه محضه. La zakat, l'impôt qui est donc obligatoire, eh bien, c'est une adoration monétaire qui concerne l'argent. والحج مركب من العبادة المالية والعبادة البدنية. Tandis que le hajj, le pèlerinage, est composé d'une adoration monétaire, où est-ce qu'il y a de l'argent, et une adoration corporelle, qui fait usage donc du corps. وصوم رمضان عبادة بدنية محضة. Tandis que le jeûne du mois de Ramadan est une adoration corporelle. Donc là, on voit bien, dans ce que dit le Cheikh Salah et le Cheikh Hafidhullah, il mentionne bien que donc, les deux attestations de foi donc, concernent le cœur et la foi, c'est avec cela que se concrétise la foi, qui est le fondement de la croyance et des œuvres. La prière, une adoration spécifique au corps. La zakat, une adoration spécifique à l'argent, d'accord? Le hajj, c'est une adoration qui mélange l'argent et le corps, l'usage de l'argent et du corps. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est une adoration qui est spécifique au corps, d'accord? Comme la salette. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم إنه جاء في هذه الرواية تقديم الحج على الصوم فقال وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وصوم رمضان في بقية الروايات قدم على الحج فقال وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Donc il dit, c'est pour cela qu'il y a donc une minorité parmi les gens de science qui ont dit que dans cette narration du hadith 3, lorsqu'on lit le hadith, on observe que le hajj, eh bien, devance le jeûne. D'accord? Lorsqu'on lit le hadith, wa ita zakat, donc le fait de donner la zakat, wa hajjul bayt, et le pèlerinage à la maison sacrée, et ce qui suit, c'est wa saum ramadan. Et dans le reste des autres narrations, eh bien, on peut lire que le jeûne du mois de Ramadan devance le hajj, d'accord? Wa ita zakat, donc le fait de donner la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée, à la Mecque, donc pour celui qui en a les moyens. Il dit ici, wa sabab taqdim al-hajj ala siyam. Les causes, en fait, de devancer le pèlerinage par rapport au jeûne. أن الأمر على ما ذكرت لك من أن الصوم من حيث جنس دلالته ممثل في الصلاة. Il dit, c'est ce que je t'ai mentionné tout à l'heure, c'est que le jeûne, il est représenté comme la salat, parce que c'est une adoration corporelle. فالصلاة حق البدن المحض يعني عبادة وجبت وتعلقت بالبدن. Il dit, la prière, c'est le droit donc du corps. C'est-à-dire que c'est une adoration qui est obligatoire et qui est lié avec uniquement le corps là. D'accord? Wa zakat ibada ta'alluqat bil mal mahda. Tandis que la zakat, c'est une adoration qui est liée avec l'argent. Wal hajj ibada tarakkabat min al mal wal badan fa sarat qisman thalithan mustaqillan. Donc il dit le pèlerinage est une adoration qui est composée de l'argent et du corps, alors elle vient en termes de troisième catégorie indépendante. Tandis que le jeûne, eh bien, c'est comme une répétition de la prière. بني البخاري رحمه الله تعالى صحيحه فجعل كتاب الحج مقدما على كتاب الصوم لأجل أن الحج عبادة مركبة من المال والبدن فهي جنس من حيث هذا الاعتبار جديد والصيام جنس سبق مثله وهو إقام الصلاة. C'est pour cela qu'il termine donc l'explication du troisième hadith, le Cheikh Salah al-Sheikh, حفظه الله, en disant: de par cette compréhension-là, qu'on a vu les trois différentes catégories entre l'adoration qui concerne le cœur, les deux attestations de foi, l'adoration qui concerne le cœur et la foi, la salette et le jeûne concernent l'adoration qui est liée au corps, la zakat, c'est une adoration qui est liée à l'argent, et le hajj, eh bien, c'est un mélange de l'adoration qui est liée à l'argent et l'adoration qui est liée au corps. D'accord? Et c'est pour cela qu'il dit que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, eh bien, a fait que le livre du hajj, le livre du pèlerinage, devance le livre du jeûne. D'accord? Car le pèlerinage est une adoration qui est composée de l'argent et du corps. Et dans ce sens-là, eh bien, c'est une nouvelle catégorie. Et le jeûne, eh bien, c'est considéré comme l'adoration qui est liée donc au corps, comme la salette. Donc ça, c'était les explications de Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhahullah. Je voulais mentionner, Inch'Allah, quelques points des explications de Cheikh Salah al-Fawzan Hafidhahullah ta'ala. Concernant donc ce hadith 3. Il dit, le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, concernant le jeûne du mois de Ramadan. Qala wa sawm Ramadan. Wa huwa ar-rukn ar-rabi' min arkan al-islam. Le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier des piliers de l'islam. فمن كان يستطيع الصيام أداء فإنه يجب عليه ومن كان له عذر شرعي فإنه يفطر ويقضي لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc ici, pourquoi en fait j'ai mentionné ces points-là de Cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah, c'est pour les fawaid qu'il y a concernant donc la compréhension du jeûne, d'accord, quelques points, Inch'Allah, soulignés, étant donné que, dans à peu près un mois et demi, Inch'Allah, nous rentrons dans le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, il dit le Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidhahullah, il dit le jeûne du mois de Ramadan, donc c'est qui est le quatrième pilier de l'islam, concerne celui donc qui peut le jeûner, alors il lui est obligatoire de le faire. Et celui qui a une excuse légiférée, alors il se nourrit lors du mois de Ramadan, il mange pendant le mois de Ramadan, et il rattrape par la suite, pour celui qui a une excuse légiférée. De par la parole d'Allah, le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset 185 de Sourate al-Baqarah, quiconque observe le mois du jeûne, donc qu'il le jeûne. Donc quiconque d'entre vous est présent ce mois, qu'il jeûne. La traduction du sens. Et celui, والذي له عذر كالمريض الذي لا يستطيع الصوم أو المسافر مسافة قصر فإنه يفطر من رمضان بقدر الحاجة ثم يقضي من أيام أخر لقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Et ensuite il mentionne le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Il dit donc, concernant celui qui a une excuse légiférée, donc celui qui a une excuse, telle que celui qui est malade, qui ne peut pas jeûner, c'est-à-dire un malade qui ne peut pas jeûner, d'accord? C'est quelqu'un qui vraiment il ne peut pas jeûner. Ou bien, le voyageur, eh bien, il mange pendant le mois de Ramadan, en fonction donc de la nécessité de se nourrir, puis il rattrape les jours qu'il s'est nourri pendant le mois de Ramadan. De par la parole d'Allah, le Très-Haut dans Surat al-Baqarah, tout le temps dans la traduction du sens du verset 185, « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. » فَلَبُدَّ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانِ إِمَّا أَدَاءً وَإِمَّا قَضَاءً لِأَهْلِ الْأَعْذَارِ ولا يجوز ترك الصيام بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان باقيا فإنه لابد أن يصوم إذا كان يقدر على الصيام أما إذا كان لا يقدر على الصيام فإن كان لعذر يرجى زواله فإنه يفطر ويقضي وإن كان لعذر لا يرجى زواله مع بقاء عقله وفكره فإنه يطعم عنه لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيطعم عن كل يوم مسكين. Donc enfin concernant ce pilier du jeûne du mois de Ramadan, le Cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah dit donc il est obligatoire de jeûner le mois de Ramadan, il est donc obligatoire de jeûner le mois de Ramadan, soit donc en le jeûnant pendant que c'est le mois, ou soit en le rattrapant pour les gens qui ont des excuses légiférées. Et il est donc, il n'est pas permis de délaisser le jeûne du mois de Ramadan de par aucune excuse en dehors de ce qui est légiféré, tant que l'individu a une raison qui demeure, il lui est obligatoire de jeûner s'il en a la capacité de jeûner. Mais s'il n'en a pas la capacité de jeûner et qu'il a une excuse dont on lui souhaite qu'il yani, soit il a atteint une maladie dont qui pourra se guérir par la suite, eh bien donc il mange pendant ce mois de Ramadan, puis il rattrapera les jours où il a mangé car il était atteint d'une maladie, yani, qui par la suite donc a pu être guéri. Mais s'il fait partie de ceux qui ont l'excuse légiférée et dont, par exemple, la maladie eh bien, ne peut pas être guérie tout en ayant sa raison saine, d'accord, et ses pensées qui sont saines, mais c'est-à-dire qu'il a une maladie, par exemple, qui est chronique, ça veut dire qu'il ne se guérit pas, d'accord? Il a une maladie qui ne se guérit pas, qui est une maladie qui est chronique, donc il a une excuse, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, c'est-à-dire que s'il jeûne, eh bien ça va empirer son état, d'accord? Donc ce qu'il y a, c'est que s'il a cette maladie chronique-là, ça veut dire que la maladie ne se guérit pas, il est dans un cas où est-ce que la maladie, par exemple, ne se guérit pas, eh bien, s'il a toujours la raison et ses pensées, eh bien alors, il nourrit un pauvre chaque jour du mois de Ramadan. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un, il y a des personnes par exemple qui sont atteintes de maladies qui sont chroniques, eh bien, si le médecin, qu'un médecin qui est fiable, hein, considère que le fait qu'un tel qui a une maladie chronique, s'il jeûne, son cas risque de s'empirer, et donc il n'est pas dans sa possibilité actuellement d'être guéri car c'est chronique et par exemple ils n'ont pas encore les traitements pour cela, et bien dans ces conditions là et bien il doit nourrir un pauvre chaque jour du mois de Ramadan, chaque jour du mois de Ramadan, Et pour cela, donc, il a utilisé la preuve qui est dans la traduction du sens du verset 184 de Sourate al-Baqara. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et donc c'est pour cela qu'il dit, enfin le cheikh Salah al-Fawzan, Hafidhahullah, alors il doit donc nourrir un pauvre chaque jour. Concernant le hajj, قال وحج بيت الله الحرام. Et donc le pèlerinage à la maison d'Allah sacrée, à la maison sacrée d'Allah. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. Le hajj est le cinquième pilier des piliers de l'islam. وهو لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في العمر. Le pèlerinage à la Mecque, qui est le cinquième pilier de l'islam, n'est obligatoire pour le musulman qu'une seule fois dans sa vie. والحج لغة القصد وشرعا هو قصد البيت الحرام لأداء العبادة من تواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وبمنى ورمي للجمار فهذا الحج ركن من أركان الإسلام. Il dit donc, le hajj linguistiquement signifie, linguistiquement, le terme hajj en arabe signifie le but. Et selon la législation, c'est le but de se rendre à la maison sacrée d'Allah afin d'établir, afin de faire l'adoration concernant tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba, et le fait d'aller, de faire les allers-retours entre As-Safa et Al-Marwa, et le fait de se tenir debout à la station de Arafa, et le fait donc de passer donc la nuit à Muzdalifa puis à Mina et de jeter les pierres. Donc cela, c'est le Hajj qui est donc un des piliers de l'islam. وَنَظَرًا لِكَوْنِهِ شَاقًا وَيَأْتِيهِ النَّاسُ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ مِنْهَا الْقَرِيبُ وَمِنْهَا الْبَعِيدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَهُ عَلَى الْمُسْتَطِيعُ بِمَالِهِ الَّذِي عِنْدَهُ مَا يَكْفِي لِسَفَرِهِ ذهابا وإيابا وعنده ما يكفي لأولاده وأهل بيته حتى يرجع فهذا يجب عليه الحج. Donc il dit le cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah, il dit, et donc le hajj, étant donné que il y a de la difficulté à le faire et que les gens viennent de tous les endroits du monde. Il y en a qui sont proches de la Mecque, d'autres qui sont plus éloignés. Allah Azza wa Jal l'a rendu donc obligatoire pour celui qui en a la possibilité et qui en a les moyens financiers, qu'il a de quoi voyager, aller et retour, et qu'il a de quoi également, il a assez d'argent pour ses enfants et sa famille. D'accord? Pour ses enfants et sa famille, yani jusqu'à ce qu'ils reviennent. C'est-à-dire, il leur laisse, il faut qu'il ait les moyens de quoi laisser à sa famille de l'argent, qu'il ait les moyens de payer l'aller et retour. D'accord? Eh bien, et qu'il en a donc les moyens, donc là, financiers, eh bien, celui-ci, il lui est obligatoire le pèlerinage. فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ حَجَّ بِنَفْسِهِ وإن كان لا يقدر عليه بنفسه وعجزه مستمر فإنه ينيب من يحج عنه. Il dit, quiconque donc peut, donc il a tous les moyens, d'accord, et lui-même donc a les moyens physiques pour faire le hajj, pour faire le pèlerinage, alors lui-même il y va et fait le hajj pour lui-même, d'accord. Tandis que celui qui a les moyens de faire le hajj, cependant il n'en a pas la capacité physique de le faire, d'accord, soit de par sa vieillesse, eh bien, il fait appel à quelqu'un pour qu'il fasse le hajj à sa place, pour quelqu'un qui n'en a pas les capacités physiques. وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ فَعَلَى وَرَثَتِهِ أن يخرجوا من tarikatihi ma yuhajju bihi anhu. Il dit concernant celui qui meurt et qui n'a pas fait le pèlerinage, malgré qu'il en avait les moyens, eh bien, c'est à ses héritiers de sortir de l'argent de ce que celui qui est décédé a laissé comme argent, d'accord? Pour faire le hajj pour celui qui est mort, d'accord? Donc, ils utilisent l'argent de celui qui est mort, il avait les moyens de faire le hajj. Il est mort. Sans avoir fait le hajj, le cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit, eh bien, les héritiers prennent de l'argent qui est resté du mort pour payer donc le hajj et quelqu'un fera le hajj pour celui qui est mort. D'accord? Car cela est un pilier des piliers de l'islam. Tandis que celui qui ne peut pas faire le hajj car il n'a pas d'argent, celui-ci, yani, n'a pas de hajj à faire. فهذا ينيب من يحج عنه. Et donc il dit, le cheikh Salah al-Fawzan Hafidhullah, il dit, donc quiconque donc a les moyens du point de vue financier, mais n'a pas la capacité physique, d'accord, pour faire le hajj, si il est possible donc qu'il guérisse par la suite. Et donc qu'il se met à avoir par la suite les capacités physiques, alors il patiente, d'accord? Il patiente jusqu'à ce qu'il retrouve donc ses capacités physiques, puis il fait le hajj. Mais s'il est dans le cas soit d'une maladie chronique ou soit d'une incap donc qui fait qu'il a une incapacité physique due à cette maladie chronique, donc il a les moyens, mais il n'a pas la capacité physique donc du tout de faire, donc il ne guérira pas. Du point de vue physique, il peut mandater donc quelqu'un pour qu'il fasse le hajj à sa place. D'accord? Et donc lui paye donc il paye, il a les moyens financiers, il paye le hajj et puis quelqu'un à sa place donc fera le hajj. D'accord? فالحاصل أن هذا الحديث مكمل لحديث عمر ومبين له ولذلك ذكره المصنف بعده. Il dit donc pour résumer, eh bien ce hadith complète donc le hadith de Omar, le hadith 2 qui précédait et clarifier également donc ce hadith 2, et c'est pour cela que l'auteur, l'imam Nawawi rahimahullah, a mentionné donc ce hadith 3 à la suite du hadith de Jibril. Donc on a terminé, inshallah, les explications du hadith numéro 3 des Arba'in Nawawi. Donc on va s'arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, on commencera le hadith numéro 4. Barakallahu fikum pour votre attention. جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته